podcast de la bonne littérature, et je suis Tara Lenhart. C'est l'heure d'un rendez-vous, annuel désormais, avec le prix de la littérature de l'Union européenne, EUPL, pour European Union Prize for Literature. Merci de saluer mon accent anglais exemplaire. Cette année, les podcasts vous emmèneront aux côtés des auteurs et autrices, lauréats et lauréates de l'édition 2021, également aux côtés d'un éditeur français qui se fait fort de traduire des vainqueurs du prix, et, n'oublions pas, aux côtés des livres primés à travers l'aperçu proposé dans l'anthologie annuelle. Ce sera une sélection 100% personnelle qui viendra à la fin de l'année. Dans cet épisode, nous allons rencontrer Gerda Blies, lauréate hollandaise pour son livre, alors attention, mot hollandais est très approximatif, Wilsinlicht, nous sommes la lumière en VF, publié par les éditions 8 Geverge Podium, qui raconte à travers 25 points de vue et narrateurs différents l'histoire d'une communauté de 4 individus décidés à se nourrir d'air pur et de lumière au prix de la vie de l'une des protagonistes. Je vais également échanger avec Amin Al-Hossi, lauréat pour la Tunisie, pays qui participe pour la première fois à ce prix, avec le livre Zindali, la nuit du 14 janvier 2011, publié en Tunisie par les éditions Zeyneb. Il y est question de révolution tunisienne, celle de 2011 donc, à travers 16 protagonistes qui tissent la trame de cette odyssée populaire. Deux titres qui n'ont pas encore été traduits en français et que l'on espère découvrir bientôt chez nos éditeurs indépendants préférés, bien sûr. En attendant, je vous propose de découvrir les univers respectifs des auteurs et autrices, leur début, leur voix et leur rapport à l'écriture. Bonne écoute. So, Gerda, how did you start writing? Yeah, I started writing. I wrote a lot when I was a kid, but I would write for the school newspaper and for school assignments, but it was more it was never fiction, never stories, but always more non-fiction, like little just interviews or I don't know if that what's the English word for that, but like the little, is it column? Like the little, yes, little columns. And I would also write for the local newspaper, little articles about other young people. But I didn't really do any creative writing. I was a bit scared of it and I thought I couldn't do that. It was not my quality to have fantasy. And so I didn't do that for a long time. And then I think after graduating from university, so I was about 24, 25, then I became more interested in writing fiction and also poetry. Mm-hmm. So that's when I finally started to take some courses and started to write fiction and poetry. And then it was really like a big discovery that this is a really great medium for me, much better than more journalistic writing. It's a funny process because sometimes people think it's more complicated to write nonfiction and to have a journalistic writing than writing fiction and imaginary things. It's funny you took the other way. Yeah. Yeah, it was for me, something that's not my, I am not creative enough for that. That was my idea, yeah. And it was the courses and all the university lessons you took that showed you that you were totally creative enough? Yeah, actually, it was not in university, but after that, like in taking some private courses. Okay. And then for me, that was a discovery of, wow, it's so great to imagine things. And yeah. And also it was your first novel. So you wrote fiction before, poetry. Were you writing short stories, for example, or what was your writing before this book? Yeah, I wrote before this a collection of short stories and a poetry collection. Okay. And actually I did write, when I started writing, I wrote 2 novels before, but they were never published. So I tried to get a publisher, but didn't get one. And then I continued. And finally, my debut book was a short story collection. Okay. And the novels I wrote before, I wouldn't want to publish anymore. So yeah, I'm happy that I didn't get a publisher. But the short stories and the poetry were published in your yes. country. You had yeah. Yeah. Okay, and then you, what inspired you the idea of the of this book, which is a EUPL winner? How did you build it? Yeah, it was the story was based on something I read in a newspaper mm-hmm. about a group of four people who wanted to stop eating, and one of the people died because of malnutrition. Mm-hmm. Not having eaten enough. And I was really fascinated by that story. And there was also a lot of information of that group online because they had a website where they wrote a lot about it. And mm-hmm. so that was my starting point for the story. So actually, and also in the story, I stayed quite close to that story in my own story. And you make a little mix, it seems, as far as I can have an idea on mm-hmm. what you say and what I've read about your book, like a mix between literary fiction and also journalism, because it's based on a true story, I think. Yeah, maybe. I don't know. It was. I didn't do a lot of real... Yeah, I read a lot about it, but then I... Yeah, maybe it was. But I did a lot... Finally, I did make my own fiction about it, but there were a lot of details in the true story that were really spoke to my imagination. So I also used those details. For example, the people in the book, they are sleeping together in the living room on air mattresses. And that's also how this, so the woman who dies lying on an air mattress in the living room. And I thought it was really a special image. So that's something I also took for my novel. Yeah. Yeah. You picked up some real details and to make your own, your own cooking in the book. Exactly. Yeah. And is your, I would say your, writing or maybe the kind of subject you have chosen, is it really like representative of the literary scene in your country, or are you a little bit like an outsider? I think my book was found kind of strange. I think it was received really well in mm-hmm. by the critics, but I think maybe the mainstream fiction, like pro novels, is more my book is also in a way realistic, but the strangeness about it is the 25 points of view from which I'm writing, which are some are humans but most are non-human, so it's kind of a strange way to write. And I think there's much more fiction which is more realistic, also in the sense that you have just a first person narrator or third person narrator, and there's one point of view followed in the whole book. Mm-hmm. And maybe, but I'm not sure about that, because I think also there is maybe a tendency for a lot of autobiographic work or... but I think it's also, I don't know if it's really like, if you would count all the books, then maybe it's not like that. But those are books that also get a lot of attention, maybe the books that are more yes. close to the, that they are more popular in a way, the if it has an autobiographical element in it. Okay, so I think your book might be a little bit outsider and strange, as you said, in this kind yeah. of... Yeah. Yeah, my husband works in a bookstore, and he always told me it was really hard to sell the book because it's like, it's also about a spiritual living community, and people are not interested in that also. And then it's with this 25 perspectives, which is also really strange. So a lot of people say, no, that's not for me. I want something. No, I'm not interested in that topic. they are afraid. Yeah, maybe. Yeah. Yeah. Because it's very interesting with the EUPL. I think maybe from other countries it's interesting too, but we can have an overview of special voices of different countries. But the thing is that we don't know very, very well what our neighbors, European neighbors, read and what are the, you know, the big books. So that I was really interested in this to talk with the winners if their book is really in the lines of the literary scene in their country, or if it's something little bit more special. Yeah, it was. I'm thinking I had also a nomination for a Dutch literary prize for the best novel of that year. And there were two other books which were really like the favorites of the prize. Mm-hmm. And they were both more autobiographic, I would say, but also the style was very strong. So very long sentences and like a big interior monologue. Mm-hmm. So one of those two books has also won the prize. Okay. Maybe that's actually also not because the Dutch writing is also can be very dry and very short sentences and very like not very baroque. But these two books that were popular last year, they are really baroque, really long flowing sentences. And yeah. And your writing, how does it look like? Because when we can read you, it will be translated, so we don't have the same idea. So what how would you qualify your writing? Yeah, I think I would not, I am not, that's not writing very baroque, but also I'm not that so dry as either. So I can also write really long sentences. And in this book, I also adapted the style to the point of view. So I have, for example, a point of view, which is dementia. And then I write really like tentative and also with no stops between sentences. So all commas. So that's all also a big like interior monologue. And a bit like using the wrong words. And so sometimes, so in that book, I kind of use the style. So sometimes it's really, it's really the tone of the object or person speaking that I try to represent in the writing. Yeah, this is quite an experimental or very uncommon way of writing, from what you said before. Yeah, I think so. Yeah, yeah. So you have experimented many different styles and many different ways of writing. It was like a playground for you to change like this writing. Yeah, it was. Yeah, I really enjoyed it also. Yeah, I also had one perspective, which was because this group of people community is called, translated from Dutch, it's called Sound and Love. So it's also a music group. And so I also wrote a chapter from the perspective Sound and Love. And it was really fun to do, like also play with, make little word games with sounds, sound and love, how they would talk and use words like resonance or words that are related to sound, to either sound or love. Yeah, I had a lot of fun. And what does the EUPL brings to you? How do you feel about winning it? Does it concretely change something now, or do you will it later? How do you? Yeah, I'm not. It's not. It's quite short time ago. So, but there are some nice invitations, so, such as this podcast, or I also talked on online. Festival in Ukraine to someone, which is so that's already really nice to talk about my work for a foreign audience, but mm-hmm. also for me to meet people from another country who are also interested in literature or writing. Yeah, and then it's, I hope it will also make, I hope there will be some translations, but that's, of course, we have to still see. That will take, I think, a bit more time. Yes, yeah. Especially with the pandemic time and all the things, it'll change, but... But I think what was also really nice, I have the feeling that this EUPL is a bit like, it's a kind of a community. So the people who are winners, they keep following the winners, and you get this newsletter like the winner from that year now has achieved this. So you become kind of part of an international network. So that's something I'm really happy about. Yeah, that's what it seems, really making connections like this. And because, as you said, the translations can, of course, arrive, but it can take time. Mm-hmm. And maybe your book will be translated in a few months or years. And like this, the connection is kept. And in France, there are publishing houses that especially want to publish EUPL winners. So I see. Kind of the network is extending, it seems. Yeah. And what are you writing or working on? Are you working on something new now? What is your writing rhythm now that this book has won a prize? It's now a bit different because I had a baby in May. So I'm still now, I'm at this point, I am just starting again a little bit with working. And when I was pregnant, I wrote poems about my pregnancy. So I'm now kind of, I wrote them just the first versions of those. So I'm now kind of editing those and try to do one poem per week, which is kind of nice, clear goal to do also sometimes in between things. And I'm also working on a novel. But I can, at this point, I can maybe free 2 hours a day to do some work. And I'm now still kind of in the drawing phase of the novel. So I'm doing some research, trying to speak to some people, and also trying to figure out what my what the structure of the novel should be like and how I'm going to, to build it. Mm, it's really like a house. Now you are preparing the land and making lines and then starting foundation. To build. Yes, exactly. Yeah, I'm always a bit jealous of people who just can start writing and just see where they end. But I tried it, but it doesn't work for me. I really need to kind of plan it and then I can work. Yes, to structure everything and especially it's not very common to write with 25 different point of views, so it's easy to understand that you have to really build and make something neat. Okay, so that's an interesting perspective, and of course we can wish you all the best for your writing and hope to read you in French or what all the languages soon. That will be great. Bonjour Amine. Comment avez-vous commencé à écrire? Qu'est-ce qui vous a motivé et porté? Pour commencer déjà à répondre à cette question, il faut peut-être à revenir à une période à mon jeune âge, on va dire dès l'âge de 8-9 ans, la période où j'ai commencé à lire tout d'abord avant d'écrire, donc à lire les BD que mon défunt père les achète à l'école parce qu'il était maître d'école, et après au même temps j'ai fouiné dans la bibliothèque de mon frère qui était un jeune à l'époque, était un jeune poète tunisien, donc j'ai fouiné entre, je faisais des allers-retours entre la lecture de l'enfance et la lecture un peu de tout ce qui est littérature arabe et francophone aussi. Donc, j'ai commencé à faire ces allers-retours pour, au même temps, comprendre, imiter aussi. Ça commence par l'imitation et pour aussi peut-être observer en même temps ce qu'on écrit, ce que les autres écrivent et ce que nous, en même temps, vivons dans une petite... donc, l'observation aussi, en même temps que la lecture, l'observation de notre petite ville côtière en Tunisie, l'observation et les discussions et les aventures avec les enfants de mon âge, toutes ces expériences et ces aventures... et qui à chaque fois j'essaye de les réécrire peut-être et donc tout ça avec la lecture, les observations, ça a créé en moi un besoin d'écrire. Ou tout d'abord, ou de décrire, peut-être au début, de décrire ces petites aventures. Votre quotidien. Le quotidien, les rêves. Et aussi, ça m'a aidé d'être... donc, j'ai publié ces petites magazines littéraires ou d'enfance. Oui. On publiait mes historiettes ou mes petits textes, ça m'a encouragé. Tout le monde était content de moi. J'ai rêvé à cette époque d'être un écrivain, de suivre la voie de mon frère, d'être en même temps un poète et tout ça. Mais le temps passe vite. Le temps passe vite. Je pense que je rêve toujours d'écrire ce que je n'ai pas... pour le moment, écrit. C'est peut-être ce rêve-là, écrire peut-être le réel ou peut-être le monde qui n'arrête pas de nous surprendre à chaque fois. Et je reste toujours un rêveur, peut-être un menteur, quelqu'un qui ment et qui rêve à la fois. C'est un peu une définition du métier ou de la vocation d'écrivain, peut-être être un menteur qui rêve à la fois. Oui, c'est à la fois aussi cette recherche de définir, on essaie toujours de définir ou de redéfinir nos vocations, voilà. Oui. À travers ce qu'on écrit, ce qu'on rêve d'écrire. Parce qu'il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas s'arrêter de rêver, il ne faut pas s'arrêter d'écrire. Et vous étiez petit, vous dites, quand vos premiers textes, vos premières donc, écritures et observations ont été publiés ou ça s'est fait plus tard ? Oui, ça s'était publié, mais dans des magazines des petites enfances. Je me rappelle de magazine qui, malheureusement, après, ça s'est arrêté. Un magazine qui s'appelle Arfen en Tunisie, qui était en langue arabe, donc qui a publié à cet âge donc quelques textes. C'était, on va dire maintenant, c'était des débilités, mais c'était encourageant pour moi. Oui, c'est une bonne, c'est un bon encouragement de publier des textes pour enfants, d'un enfant. Oui, ouais. C'est malheureusement là, peut-être moi que j'ai aussi, peut-être que j'ai grandi très vite. Et c'est que après, je me suis retrouvé avec des questions et des textes aussi, des nouvelles, parce que j'ai commencé après à écrire des nouvelles qui traitent des sujets d'adolescence en Tunisie. Mais c'est partout à la fois parce qu'on est entre les années 90 et les années 2000. C'était vraiment. Un monde qui change parfois rapidement, quoique les structures politiques restent un peu restrictives quand même, restrictives en Tunisie ou dans le sud de la Méditerranée, mais on sent vraiment que les choses changent. Peut-être c'est le plus important dans la littérature, c'est que on a essayé de... Moi-même, j'ai essayé de de représenter ces changements, mon étonnement envers ce monde qui change rapidement, on ne sait pas vers où. Vous avez mis ça en mots très, très vite, en fait. C'est un peu votre signature. Oui, parfois, peut-être, parce que je suis... moi, j'essaie toujours de trouver le mot exact. Ça prend un peu de temps dans ma tête ou avec dans les papiers, mais j'essaie toujours de trouver ça. Et après, ça, c'est très court. Je trouve que c'est très court, mais bon, peut-être que c'est... Ça travaille beaucoup dans ma tête que devant les feuilles en suivant, en traitant le sujet. Et qu'est-ce qui vous a inspiré, justement, le sujet de ce livre qui a été primé par l'IUPL? Oui, ça, tout d'abord, c'est l'événement politique inédit, la fuite d'un président, la fuite d'un dictateur et qui, du jour au lendemain, a laissé le pouvoir. Et c'est un événement qui est à la fois politique, psychologique et social aussi, parce que j'ai essayé de chercher au moment où les événements se déroulent parfois très très très rapidement, d'essayer de comprendre que s'est-il passé. On a vécu ça dans le on a vraiment vécu des moments en même temps difficiles et des moments où vraiment c'était drôle et compliqué, parce qu'il y avait plusieurs tendances dans la société. On vient de découvrir aussi que la société qui était plus ou moins enfermée sous la bannière d'un dictateur, et on a découvert qu'il y avait aussi bien des rêveurs et des révolutionnaires, des progressistes, et de l'autre côté il y avait les peureux, les conservateurs et tout. Donc ces contradictions là que j'ai essayé de les représenter et de les réécrire. En plus, c'était en même temps un défi narratif, parce que j'ai essayé de travailler dans un cadre spatio-temporel restreint, qui est celui d'une seule nuit, dans un croisement de plusieurs rues, un croisement ou une zone... une zone tampon entre les quartiers plutôt de la classe moyenne et les quartiers riches et les quartiers populaires, parce que c'était un défi en même temps narratif, et j'ai pensé en même temps à ce que j'ai pensé en même temps à Ulysse de James Joyce, qui a travaillé sur une seule journée. Comment il a utilisé la voix intérieure des personnages. En même temps, j'ai pensé à plusieurs références. Donc, j'ai même pensé à Ulysse. Donc, ça dit aussi l'Odyssée. Et on a senti, j'ai moi-même senti que c'était il s'agit d'une Odyssée populaire, d'où le terme que j'utilisais, le titre que j'ai utilisé, Zendel, et qui signifie une musique populaire, folklorique, qui est en même temps dansante et triste. Donc, c'est cette traversée qui est à la fois politique et sociale, et même psychologique, cette odyssée populaire. Donc, j'ai pensé aussi, après, il y a des écrivains qui influencé un peu, que j'aime aussi leur façon d'écrire. Je parle notamment de Milan Kundera, à la polyphonie, donc à la multitude des voix dans ses romans. Je parle aussi de Salman Rushdie, qui essaie de toujours faire un petit métissage, le mélange, le mariage entre le rêve et la réalité, la façon de rechercher ou de réécrire même les sons et les rythmes intérieurs de chaque personnage. Ou mes références aussi étaient aussi cinématographique, parce que j'ai ça je le fais en même temps qu'on écrivant. Ça veut pas dire que ça existe vraiment, ça imprègne vraiment mon écriture, mais c'était en même temps cette envie aussi d'écrire cinématographiquement un événement ou un roman. Donc j'ai pensé aussi à la façon, la comédie dell'arte d'Emir Costa dans ses films, donc sa façon en même temps d'être joyeux et de parler des gens en bas, des gens ordinaires, des anonymes. Et il y a des passages aussi dans le roman où j'ai essayé d'imiter ou de faire un hommage à Quentin Tarantino dans le film Pulp Fiction. Donc il y avait deux flics dans la voiture qui parlaient de n'importe quoi et de n'importe comment. Donc j'ai essayé de travailler sur aussi essayer de rendre hommage ou d'imiter un peu ça. Et bien sûr en Tunisie j'ai essayé aussi de rendre hommage à un écrivain, en même temps un poète qui s'appelle Ali Dourage, qui a vécu en Tunisie dans les années 30, donc pendant la période de colonisation, qui avait une liberté de d'écrire ce mixage entre l'arabe classique et le dialecte tunisien, qui était Ali Dourage, qui était en même temps un poète qui écrit des textes en dialecte tunisien. Donc, toutes ces références-là, parfois, en s'amusant, je me retrouve en écrivant que j'avais une chanson de Jacques Brel qui, en décrivant un ancien, un ex-ministre, qui cache ses mains derrière son dos. Et ça m'a rappelé la chanson « Je vous ai donné, je vous ai acheté des bonbons ». Donc j'ai essayé d'écrire une phrase comme ça parce que ça m'a rappelé. Voilà, mes références sont un peu diversifiées. Ah oui, pour le moins, on passe de Tarantino à Joyce, à Kundera, à Brel, c'est très… Voilà, c'est parfois c'est drôle parce que ça peut m'aider à écrire et à regrouper les gens dans ma tête, à inviter les gens que j'aime ou que j'ai aimé ou que j'ai adoré voir leur film ou j'adorais dire. Ça se voit pas, bien sûr, directement dans mes. Du coup, vous le savez. Dans le... Oui, voilà. Parce que j'ai essayé en même temps, parce que James Joyce, par exemple, Ulysse, c'est quand même compliqué. Jusqu'à présent, j'ai pas réussi à le finir, le roman. Tellement c'est. On est nombreux et nombreuses à pas avoir compris le principe, mais pas l'avoir fini. Voilà. Donc, en même temps, donc, j'ai les références, mais il faut aussi écrire quelque chose de simple, quelque chose de lisible, quelque chose oui. Qui, malgré la tristesse, malgré les contradictions d'une société, en même temps conservatrice et une société qui représente, qu'on présente partout dans le monde comme une société voilà, qui essaie de c'est révolutionnaire ou pas conservatrice, alors qu'elle est en même temps, elle est quand même un peu conservatrice ou qui hésite. Donc les contradictions, les hésitations, des problèmes de tout ce qui est politique qui peut imprégner un cheminement peut-être aléatoire vers la démocratie ou vers la liberté. Mais tout ça, j'ai essayé de l'écrire avec un style plutôt simple. Et est-ce que votre livre, justement, est-ce qu'il est Comment est-ce que vous qualifieriez la scène littéraire en Tunisie? Est-ce que, par exemple, votre livre, autant qu'il n'est pas traduit, donc c'est vraiment, là, je parle d'après les descriptifs et les résumés que j'ai pu trouver sur le site IUPL, est-ce que c'est représentatif d'un certain courant littéraire à l'œuvre ou comment est-ce que vous la qualifieriez? Oui, en même temps, la scène littéraire, il y a vraiment en Tunisie un bouillonnement culturel et littéraire, parce que je peux dire que mon roman il fait partie d'un courant littéraire qui existe en Tunisie depuis les années 60 et 70, qui à la fois essaie de soigner les formes, les structures, de travailler sur plusieurs personnages, de déconstruire toute forme classique de narration. C'est un courant qui existe en Tunisie depuis les années 60-70. Et après, ça s'est arrêté un tout petit peu. Mais en même temps, il y a un autre courant qui est plutôt classique, qui tend vers un roman qui suit les personnages principaux d'une situation A vers une autre situation qui change. Mais en même temps, c'était donc mon roman a essayé de prendre un peu des deux courants, des deux côtés en même temps. Un roman qui soit lisible, qui soit simple, mais en même temps qui travaille sur la forme et qui essaie de construire l'idée d'un héros unique qui est derrière tout ou qui est un défaitiste ou qui à la fin tombe dans la dépression ou dans la détresse. En même temps, donc c'est tout ça. Et ce qui est bien en Tunisie, c'est dans la scène littéraire, il y a ces deux courants. Il y a plusieurs textes qui, même les sujets, quoique maintenant les sujets politiques sont plutôt omniprésents, mais il y a aussi d'autres romans, d'autres écrivains et écrivaines aussi qui traitent des sujets de que ce soit les écrivaines traitent des sujets sur les femmes en Tunisie, l'homosexualité, le rapport avec le système patriarcal. Il y a aussi des romans, des nouvelles aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un courant respectable. Et parce que moi j'ai commencé par écrire un recueil de nouvelles, donc je trouve aussi que les novellistes ils avancent bien, quoique leurs travaux et leurs œuvres sont pas très médiatisées en Tunisie. On connaît mieux les romanciers que les novelistes. Les novelistes, peut-être c'est partout aussi dans le monde. Oui, malheureusement, en France aussi. Oui, donc, mais il y a du tout. Il y a tout. Bien sûr, il y a des conservateurs, ce sont des écrivains et des artistes, et eux aussi, ils ont leur façon d'écrire la société avec peut-être une touche. Des touches un peu nostalgiques de la société du passé et tout, mais on a de tout, que ce soit sujet ou bien genre. On a des polars maintenant, on a même en Tunisie, j'ai découvert, moi aussi je découvre, parce que je découvre actuellement qu'il y a des romans qui n'existaient pas auparavant, qui sont des romans dédiés aux adolescents et donc les romans qui mélangent entre mélangent l'histoire et la fiction ou la magie. Donc on peut dire que grâce à la liberté aussi, et grâce à l'événement de 2011, que maintenant les écrivains peuvent parce que les lois ne changent pas n'ont pas trop changé, mais les écrivains ont maintenant compris qu'il faut écrire. Parfois, il faut rigoler, il faut travailler sur plusieurs sujets sans contrainte et sans limite. C'est le plus important dans la liberté, quoique les libertés démocratiques ou politiques sont un peu ils n'avancent pas, ils n'ont pas réussi à avancer. Ça stagne encore un petit peu. Voilà. Donc ça stagne, peut-être il y a un petit recul par rapport à ça, mais heureusement qu'il y a la scène littéraire et la scène culturelle en tout qui ouvre des brèches, qui tend la main vers à tout ce qui se passe aussi en dehors de la Tunisie. Oui, ce n'est pas seulement dynamique, ce que vous soulignez, c'est que ce n'est pas seulement dynamique à l'intérieur même du pays, ce qui est déjà très positif en soi, c'est que par les genres, les recherches de sujets, les genres employés pour écrire, il y a une connexion au reste du monde qui est fluide et qui se fait par la littérature et la culture. Et heureusement qu'il y a, ces prix-là, et notamment le prix européen de littérature qui est vraiment, c'est une occasion, ça, parce que la littérature, elle a parmi ses vocations la défrontérisation, c'est-à-dire la déconstruction de tout ce qui est frontières et limites entre identités, entre langues, dans une période où tout ce qui est crise identitaire et tout ce qui est problème relié à la religion grâce à ce genre de prix, il y a ce que j'ai bien apprécié dans cette initiative de l'EPL, c'est qu'on a 13, cette année on a 13, entre 14 ou 15 presque, de plusieurs écrivains, plusieurs expériences, plusieurs pays, plusieurs langues, et ça donne une bonne idée ce que la littérature en général peut, et les arts peuvent nous donner. C'est une chance qu'il faut, c'est une initiative qu'il faut vraiment l'encourager. Il faut faire de notre mieux aussi pour représenter cette multitude, cette diversité vraiment, mais comme vous dites, plusieurs langues, plusieurs cultures. Et vous, qu'est-ce que ça vous a fait de savoir que vous étiez parmi les vainqueurs cette année? C'était j'étais content dans une période triste, quoi. C'était une année très difficile en France. On a passé vraiment entre confinement et tout ce qui est distanciation, on va dire, asociale, oui. Pas du tout sociale. Donc, on était dans une période vraiment, mais dès que j'ai eu la nouvelle que j'étais shortlisté tout d'abord, et après, j'ai eu le prix, donc j'étais vraiment content. Tout le monde était content, on était fiers, parce que c'est la première fois que la Tunisie participe. Oui. Et même en Tunisie, tout le monde était content parce que les Tunisiens vivent dans une période très, très difficile. Et donc, dès qu'ils ont eu l'information, même les gens que je n'ai jamais connus, les gens qui lisent pas trop des romans, étaient vraiment contents, elle était fière, enfin, une bonne nouvelle. Donc, c'était, pour moi, c'était une bonne nouvelle, pour la plupart des Tunisiens, la plupart, bien sûr, parce qu'il y a toujours des... donc, la plupart des Tunisiens, on était contents, on était enfin, parce que, en même temps, c'est la langue arabe, et le livre n'est pas seulement arabe, il n'est pas un livre qui un livre plutôt méditerranéen que arabe dans le sens classique du terme, parce qu'arabe et tunisien en même temps, même avec la langue utilisée ou ce qu'on a essayé de montrer que c'était une situation tunisienne en 14 janvier, le roman qui traite d'un sujet politique mais aussi social et en même temps un sujet humain. Donc c'était vraiment une très belle initiative et j'étais content, je suis toujours content. Et on essaie en même temps de travailler sur des traductions parce que ça aide aussi à ouvrir des brèches, que ce soit pour mon livre et aussi peut-être après pour d'autres romans tunisiens, parce que je crois qu'il y a de très beaux œuvres littéraires en Tunisie qui méritent d'être traduites, exportées, exportées, voilà, et qui donnent une autre vraiment vision de tout ce qui se passe ici ou ailleurs, et qui prouve parfois et qui peut-être explique quelque chose que les articles scientifiques ou les journaux et même les reportages ou les documentaires peuvent pas vraiment les expliquer. On peut les trouver dans des textes littéraires et dans des romans. Eh ben, j'espère qu'on va bientôt pouvoir vous lire en français. En tout cas, c'est en français. Ou en anglais. C'est pour bientôt. Eh ben, très bonne. Pour bientôt. Très bonne nouvelle. Je vous remercie pour cet échange.